le lève. Si je prends mon knife, je suis prêt à partir. Tout dans un rêve, mal volé, t'as pas mon respect. Comme au quartier, je suis pas en veille. Enfin un peu, mais déjà mort, donc je suis prêt à partir. Je prends la tire, on monte à 4, on tartine. Moi c'est S, quadruple platine. On tue la taille à 4, donc on en prend 10. Coutu pour ma mère, mais pour lui qui m'enlève. Tout le monde à terre et j'ai encore rien branlé. Place de milice dans les endroits solides. J'étais prêt à partir comme un poulteau qu'on a mis à la porte. Je vais faire la une et j'ai vu mes gens morts. J'ai regardé la lune. Au paradis, les soldats d'infortune. J'étais jeune et naïf, j'avais pas un rond. Ils sont déjà partis, ceux qui m'ont trahi. J'suis jeune et aimé, riche en poison. Tenter une raclée, célèbre et haï. On prend en otage dans ce truc holy-holy. Gros notable en matin, puis lundi au lundi. J'vois du château Marco, j'laisse la taille décanter. J'suis prêt à filer jusqu'à un néanté. J'ai traîné la moitié de ma vie. J'ai fait un rêve où j'avais 18 gamos, une baraque à 4 étages, mais la mort m'a rappelé qu'elle met tout le monde d'accord et qu'on n'emportera rien après. Une porte qui pète, des kilos de saisie, la vie n'est qu'une question de décision, les tirs sont nourris et précis. Le stade me regarde, je gère la pression, ils veulent pas que ça brûle comme en 2005 pourtant. Ils font les mêmes erreurs, la coco est pure, à 90% et tous les clients la paient. Prêt à partir pour mon honneur, j'ai perdu mon cœur, j'attends un tonneur. J'ai grandi tout près des voleurs, tout près des vendeurs. Les vendeurs m'ont dit de tout vendre, et les voleurs m'ont dit de ne rien rendre. On rentre dans la banque à 45, on ressort le sac plein d'oseille à 50. Et l'adrénaline est intense, demande un texte, il demande un 5-30. J'suis peut-être cagoulé dans un plan, des sentiments, moi je n'en ai même plus. J'ai même plus qui sont les Judas de l'équipe. Souvent seul quand faut compter le bif. Souvent seul quand faut compter le bif. Tout seul c'est ceux qui vivront verront. Ceux qui rôdent car finiront par périr. Pourtant j'ai quitté le perron. C'est au Maldif que je viens d'atterrir. J'ai même plus à combien de ces enfants putain sur ma liste. Trop la queue à McDo, je les graille aux abysses. Tu viens, tu baisses la vitre et tu fais plein de tarifs. Ils me jouent les rinailles, j'ai plan pour vandalisme. Je passe les portes invisibles, tu rates plutôt c'est à moi un day. Ah, j'aurais été bon en tout mais j'aimais trop l'été. Je suis prêt à m'en aller. En vrai, mes rêves savent. J'ai traîné la moitié de ma vie. J'ai tout volé pendant la nuit. Bienvenue dans la mafia. On a vendu la mort pour gagner nos villas. J'ai traîné la moitié de ma vie. La moitié de ma vie, j'ai traîné. J'ai tout volé pendant la nuit. Je suis prêt à partir. Oui. J'ai déjà combien? Combien rien ne m'appartient? Oui. J'ai même plus à combien de couteaux qui veulent me tuer. J'ai même plus à combien de couteaux qui veulent me tuer.